Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Game Ozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission où nous avons parlé du cinéma d'action en général, nous allons détailler aujourd'hui un de ses sous-genres, le film policier. Commençons tout de suite par donner la définition du film policier. Le film policier est un film relevant du genre policier et, par extension, le genre cinématographique qui regroupe de telles œuvres qui mettent en scène le milieu du crime ou de la police. La plupart des films policiers sont construits autour de la résolution d'une enquête par un policier ou un détective, en mettant souvent en avant, et de manière prononcée, les rôles de criminels ou de délinquants. Cependant, il englobe une grande variété de genres, comme le film de gangster, dans lequel le criminel joue le premier rôle. Le genre s'est popularisé à partir du cinéma américain des années 40, adoptant souvent l'esthétique du film noir. Il est connexe à d'autres genres, comme le film d'espionnage et le film d'action, qui ont hérité de beaucoup de ces éléments, ainsi que le thriller, qui joue sur le temps et la peur. Intéressons-nous maintenant au début du genre. Très tôt, et notamment avec l'avènement, l'éclosion des courses-poursuites, policiers et voleurs sont apparus sur la pellicule. Aux États-Unis, en 1912, la société Keystone, qui est un studio hollywoodien fondé en 1912, sont en effet une spécialité, avec l'utilisation récurrente des Keystone Cops, qui est une équipe de policiers bondissants mais totalement inefficace. Dès la fin des années 1910, des personnalités célèbres du roman policier, genre pourtant récent en littérature, sont apparues comme héros de série. On suit alors les aventures de policiers comme Nick Carter ou Sherlock Holmes, mais aussi celles de criminels comme Fantomas. Voyons maintenant les films policiers de 1910 à 1944. Les films policiers entre 1910 et 1939 ont été influencés par les romans policiers. Les influences ont été réciproques, aussi parce que les films policiers influencent les romans policiers. Pendant cette période, les films à épisodes du réalisateur français Victorin Jacet, comme Nick Carter, le roi des détectives, pour les films du studio Eclair 1908, influencés par les pulp magazines américains. Les autres cinéastes de cette période étaient Louis Feuillade, avec par exemple le film Le Proscrit, sorti en 1912, Maurice Tourneur, avec le film Le Mystère de la Chambre Jaune, sorti en 1913, Abel Gance, avec L'Énigme de 10 heures, sorti en 1915, et Henri Frescour, avec Rouletabille chez les Bohémiens, sorti en 1922. En 1924, le Conseil d'État conclut à la légalité des arrêtés préfectoraux interdisant la projection de films représentant des actes criminels. Après 1930, le cinéma muet devient sonore et parlant, et le cinéma a pris de nouvelles voies. Les films policiers montrent la nuit, la pluie, la campagne frileuse, un romantisme de la pègre, comme dans le film La tête d'un homme de 1933, d'après l'écrivain belge Georges Simenon, par Julien Duvivier. Pierre Chenal avait fait plusieurs films, comme L'affaire Lafarge, La maison du Maltais, L'alibi et Le dernier tournant. Vers la fin des années 30, les films policiers utilisent le réalisme poétique et la critique sociale, comme on peut le voir dans Le jour se lève, sorti en 1939 par Marcel Carné, et dans Le crime de Monsieur Lange, sorti en 1936 et réalisé par Jean Renoir. Pendant l'occupation, les films policiers deviennent sombres et pessimistes, souvent avec des sujets qui feignent de s'éloigner de l'actualité pour échapper à la censure des nazis. Plusieurs films ont été tournés d'après les romans de Georges Simenon, comme Le voyageur de la Toussaint, sorti en 1942 par Louis Daquin, Monsieur la souris, sorti en 1943 par Georges Lacombe, L'homme de Londres, sorti en 1943 également par Henri Decoing, Picpus, toujours sorti en 1943 par Richard Potier, Cécile est morte, sorti en 1944 par Maurice Tourneur, et Les caves du Majestic, sorti en 1944 et de nouveau par Richard Potier. Parlons maintenant des films policiers entre 1945 et 1968. De 1945 à 1954, très peu de films prennent comme toile de fond la période de l'occupation des nazis. Les auteurs des adaptations étaient toujours Georges Simenon, Stanislas André Stiman et Pierre Véry. Les films cités comme classiques sont Panique, Dédé d'Anvers, Une si jolie petite plage et Quai des Orfèvres. Quelques films de cette période sont 120 rue de la Gare, sorti en 1945 par Jacques Daniel Normand, d'après le roman de Léo Mallet, Copie conforme, sorti en 1947 par Jean Drévy, Le mystérieux Monsieur Sylvain, sorti en 1947 par Jean Stély, Méfiez-vous des blondes, sorti en 1950 et réalisé par André Hunebel, et Les Diaboliques, réalisé par Henri-Georges Clouzot et sorti en 1954, d'après le roman des écrivains Boileau Narcejac. Le film Mission à Tanger mélange les styles de films d'action, le style noir et le style plutôt parodique. Entre 1955 et 1960, la série Noir, qui est une collection de romans policiers et de romans noirs publiés par les éditions Gallimard, apporte au cinéma, un personnage de roman noir, le détective privé, ou le journaliste, amateur de bar, de femmes, charmeur et séduisant. C'est la grande époque des films souriants et pas très sérieux qui utilisent la farce parodique. Les autres, comme André Kayat, démontrent les imperfections de la loi pénale et du système judiciaire, comme c'est le cas dans les films Justice est faite, Nous sommes tous des assassins, ou encore Le dossier noir. Siménon a plusieurs fois été adapté dans le futur par Claude Autant, Lara ou encore Jean Delannoy. Entre 1960 et 1968, la nouvelle vague a commencé. Plusieurs films policiers dépassent les 500 000 entrées et le style série noire continue. Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon étaient les vedettes de cette période. Les jeunes cinéastes de la nouvelle vague, comme François Truffaut, ont voulu changer le cinéma. Quelques films de cette période étaient « À double tour », sorti en 1959, « À bout de souffle », sorti en 1959 aussi, « Bande à part », sorti en 1964, « Le tigre se parfume à la dynamite », sorti en 1964 également, « Alphaville, une étrange aventure » de Lémy Caution, sorti en 1965, et « Pierrot le fou », sorti en 1965 également. Le deuxième souffle, sorti en 1966, « La mariée était en noir », sorti en 1967, Que la bête meurt, sorti en 1968, ou encore La femme infidèle, sorti en 1969. Intéressons-nous désormais aux films policiers au sein de la période qui va de 1969 à 1988. Entre 1969 et 1981, les pays industrialisés ont subi des chocs pétroliers et des problèmes structurels. Après les bagarres de mai 68, les films deviennent plus politiques et contestataires. Nous pouvons citer dans ces films Z, Solo, Adieu Poulet, Nada, etc. Les films dénoncent les inégalités sociales, comme le racisme, la corruption et l'injustice. Quelques films policiers de cette période étaient Solo de Jean-Pierre Mocky, sorti en 1969, La course du lièvre à travers les champs de René Clément, sorti en 1972, Faut la tuer de Yves Boisset, sorti en 1975, Série noire de Alain Corneau, sorti en 1978, Diva de Jean-Jacques Benet, sorti en 1981. Entre 1982 et 1988, les films policiers sont devenus plus calmes que les films de la période révolutionnaire. Néanmoins, il y avait encore des films qui discutent de problèmes comme la drogue et le chômage. Pendant cette période, les différents genres comme les drames psychologiques, les films noirs ou les films d'action ou d'espionnage tendent à se mélanger avec les films policiers. Quelques films policiers de cette période étaient Balle perdue de Jean-Louis Comolli, sorti en 1982, Le Ruffian de José Giovanni, sorti en 1982 également, Mortelle randonnée de Claude Miller, sorti en 1983, Dernier été à Tanger de Alexandre Arcadi, sorti en 1986, Juillet en septembre de Sébastien Japrisot, sorti en 1988 également. Faisons maintenant un très court paragraphe en parlant de ce qu'il se passe depuis 1990. Lors des années 90, Luc Besson réalise Nikita avec Anne Parillo, sorti en 1990, et Léon, sorti en 1994 avec Jean Reno. Il est intéressant de noter que le film Nikita constitue la première incursion de Luc Besson dans le film d'action avant le film Léon. Terminons cette chronique par dire quelques mots sur les films policiers allemands et les séries policières allemandes. Dès 1913, influencé par le cinéma français, notamment par Fantomas ou encore Nick Carter, apparaissent des serial killers allemands avec notamment les films de Joe May. Par la suite, de nombreux réalisateurs reprennent le thème en développant des créations originales. Dans les années 20, Fritz Lang, réalisateur austro-hongrois binational par mariage en 1919 et naturalisé américain en 1935, intègre le genre du cinéma expressionniste allemand et livre quelques films fantastico-policiers comme Dr Mabuse le joueur. Avec l'avènement du parlant, il réalise M, le maudit, en 1931. Concernant les séries policières, nous pouvons citer la célèbre série Alert Cobra, diffusée depuis 1996 et longue de 46 saisons pour le moment et qui est toujours en production actuellement, avec Erdogan Atalay et qui a vu plusieurs autres acteurs principaux pour jouer les collègues sur le terrain du personnage de Sami, joué par Erdogan Atalay comme Vincent Kiefer, Tom Beck, Gédéon Burkhard, René Steinke, Christian Oliver, Mark Keller ou encore Johannes Brandrup. C'est ainsi que se termine cette émission sur le cinéma policier. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre sous-genre du cinéma d'action, le film d'espionnage.